Ça va les amis gosses? Ouais, je reviens de Suisse. Oh. Tout le monde m'avait dit, tu vas voir, c'est un pays riche. Ah, je dis, trop bien, peut-être sur le sol, je vais trouver un million. Je vais pouvoir m'acheter un blanchiment des dents et tout. Très déçu, rien du tout. Hein. Vraiment, c'est des clichés, ces histoires de richesse en Suisse. Vraiment. De toute façon, la richesse, c'est à l'intérieur, non? C'est vrai? Non. Surtout quand t'es une mule pour un cartel mexicain. c'est ce qu'elle me dit, Leïla, chaque fois qu'elle revient de Rotterdam avec 700 grammes de cocaïne dissimulée dans son œsophage. Ah, ça, il le sait pas, Laurent Delahousse, hein, quand il dit, ouais, elle pourra jamais me remplacer, la petite, elle a pas les épaules. Ah, si, elle a les épaules, Leïla, parfaitement. Elle a le 06 dès le chapeau, sérieux? Elle, le chapeau, elle l'appelle par son vrai prénom, hein, Ludovic. Vraiment, comme tout le monde. Un jour, avec l'argent du business, voilà, elle va racheter France Télévisions, elle mettra ses lieutenants à des postes clés. Au hasard, présentateur du journal télévisé, on verra qu'il a pas les épaules. Voilà, devenir immensément riche, c'est un très beau projet, Leïla. Là. Vraiment, à ce propos, moi quand j'étais en Suisse, j'ai appris la mort de mon compatriote Albert Frère, grosso modo l'homme le plus riche de Belgique. Et je me suis dit, formidable, il y a une place à prendre. Vous imaginez si je deviens l'homme le plus riche de Belgique, comment je vais soudoyer la commission médicale de la FIFA? Breaking news, Pogba, Griezmann et Mbappé étaient positifs à la Coupe du Monde. Nandrolone, corticoïde, vin rouge. Oh, c'est dommage, vous allez si bien cette deuxième étoile. Tiens, voilà. Ça peut arriver à terme hein, que je devienne riche en gagnant une blinde ici en droit d'auteur. Vraiment, il faut le savoir. Vraiment, encore moi j'ai qu'une chronique par semaine. Daniel Morin, par exemple, ça se demandait pourquoi il porte souvent les mêmes habits. Alors, oui, c'est vrai, c'est pas important l'apparence, mais quand même, il y a un minimum, Daniel, avec ses sous, il pourrait investir dans ne fût-ce qu'une redingote. Parce qu'on gagne bien notre vie, hein. C'est vrai, moi, c'est le début. Pour le moment, à Paris, je vis à Guy Moquet, dans un 12 mètres carrés, assez rudimentaire. Hein. J'ai pas de porte entre les chiottes et mon clic-clac. Honnêtement, il y a juste un rideau, quoi. Bon, voilà, c'est pratique si je veux ramener une fille. On gagne 20 ans d'intimité d'un coup. Hein. Franchement, la fille, elle entre, c'est un plan cul, elle sort, c'est la famille, quoi. Tu vois vraiment. Et pour le moment, je suis encore un peu gilet jaune dans le ressenti, mais ça monte, hein. Franchement, niveau thune, ça monte grâce à Inter. Et ça me fait bizarre de bien gagner ma vie parce que j'ai été élevé, moi, dans la haine du riche et le dégoût de l'argent. Mon père, il voulait m'appeler Lionel Jospin. C'est ma mère qui a choisi Ernesto parce que, soi-disant, elle voulait un prénom qui sonne Maghreb. Elle en a pas raté une, celle-là. Mais avec mon père, on avait un mépris hyper décomplexé pour les bourgeois. Aujourd'hui encore, c'est instinctif. Vraiment, moi, quand je vois un mec en polo rose dans une décapotable avec une Rolex et un tatouage dans la Madeleine, je me dis pas, c'est Nagui, tu vois, je bosse avec lui, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, peut-être qu'il donne des couvertures à Emmaüs et tout. Non, quand je vois un mec en décapotable et Rolex dans une, avec une, un polo rose, dans une, je me dis, bah, mon instinct, c'est de me dire, tiens, là, par exemple, s'il y avait un camion qui ressentait pas cette espèce de besoin de freiner, par exemple, parce qu'au fond, Bogdan, bah, sa femme, elle a Timișoara, ça fait 12 heures qu'il n'y a pas de nouvelles sur WhatsApp, du coup, Bogdan, il s'inquiète, tu vois, il accélère, et bim, voilà, hop, pizza au polo rose. Ouais, bah, c'est comme ça, ça, c'est l'éducation. La haine du polo rose. Mais la vérité, c'est que plus je chronique sur Inter, plus je quitte les gilets jaunes pour rejoindre les polos roses, symboliquement en tout cas, c'est vrai. Et voilà. Ouais, moi, je mettrais jamais un vrai polo rose. Hein. Je préférais crever dans un slip de Bernard Lavillier, franchement, entouré de pucerons. Vraiment. Mais techniquement, plus je m'enrichis, plus je vais te confronter à un dilemme, quoi, c'est vrai. Soit je vais devoir me haïr moi-même, comme Karl Lagerfeld, ou je vais devoir trouver un moyen de rester pauvre, comme Zaz, vraiment. Et si vous voulez une chronique pertinente à jour de ma part sur ce que vivent les gilets jaunes, il va falloir me virer, Nagui. Allez, bonne émission. Merci, Guillermo Gris. France Inter, Nagui. La Guillermo sera au Bataclan le 27, 28, 29 décembre. Merci, Lila.